Sebu Kasa, Lumu Kamba, Papi Kenzo, Nes Magali, Papa na Jonathan, Yatabao. Bonyo salinga boye, iore kisinga tango papa. Bona mita nona bo fiance, esili boye. Sokyo ye baki l'amour, yangwe zala ki ngombo vizwa. Ifalo lobe la mala linga yona beze o man. Bonga na zwa kiyo, mobali na maya seko e bongo lelo yo. Shero shanja vina yo. Cédric Ndombe, Valérie Lusando, Romain Mboka, Jeff Colby, Banakoto, Banafrika, et Banakini, Moyoka. Saka mobali na pesa kamaso a mission se makanga ye mobali ngai na linga kaminge na libala ye lela yo sali boye papa yo moninga so ba toyo kana kinga na yo suka libala papa epona na kwanza mbesango mokonza benisa biso bate moya libala ngoki lela ndo papa Sungu no kodare balinganiye Wasera mani manikse balinganiye Potika ni bamba bavanda na makwela ye Potika saramba na bavanda na lamuranza me Nesto lo sambo kabiki toko koko bitumba balinganiye Mitera sungu ye na mwasi na ye balinganiye Walurume ba imbongo na mama Pichu kumbala na piti se balingina tambola na bitu kwa wo Kwa wa ya ya kolerele encore le monde à l'envers. Oh, le monde est méchant. Oh, le monde à l'envers. Oh, le monde est méchant. Oh, le monde à l'envers. Oh, le monde est méchant. La voix la plus...